Cette semaine, à la connexion, les jeux unilingues anglais sont interdits au Québec. 15 000 produits Nintendo illégaux saisis au Mexique. Vidéotron limite les téléchargements de ses clients et la pub s'incruste dans YouTube. Tout ça et plus tout de suite, c'est l'heure du jeu. Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante, avec vous pour deux heures de ces nouvelles qui vous intéressent. Cette semaine, on va parler entre autres non seulement des jeux en anglais seulement qui vont être interdits au Québec, c'est la grosse nouvelle qui fait parler bien des gens. On va aussi parler de la Nintendo Wii qui va toujours être difficile à trouver pour le reste de l'année et de MTV qui investit beaucoup dans les jeux vidéo. Ça va être dans le fil jeux vidéo un petit peu plus tard, mais avant, voici une pièce de Polyphonic Spree, Running Away à La Connexion. The Polyphonic Spree et Running Away de leur album The Fragile Army. C'est dans les palmarès anglophones de C'est fou cette semaine. Et Polyphonic Spree, ça me rend heureux. L'album est génial. Maintenant, c'est l'heure du fil jeux vidéo. La grosse nouvelle cette semaine, et on va en parler en détail, c'est les jeux unilingues anglais qui sont interdits au Québec. Donc, l'article le plus détaillé que j'ai trouvé sur jouer.branchezvous.com, si vous le préférez. Donc, je vais le lire au complet pour vous divertir. La ministre de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine, Christine Saint-Pierre, a indiqué au Soleil que, et je cite, « Les jeux vidéo qui vont entrer au Québec devront être traduits en français. » Donc, voilà une nouvelle qui risque de soulever les passions, dit l'article. Est-ce que c'est déclaré? L'opération aura un impact réel. Cela fait tout de même 6 ans que je vois ce dossier évoluer à pas de tortue. L'article a été écrit par une personne qui se nomme François Tadé. Sur Branchez-vous. Donc, il y a près de 4 ans, il publie un article portant le même titre sur jouer.com. En effet, depuis le 7 novembre 2003, les détaillants du Québec doivent respecter l'article 51 de la Charte de langue française qui stipule que toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie, doit être rédigé en français. 2 ans auparavant, le 7 novembre 2001, une entente provisoire avait été conclue avec des représentants de l'industrie du jeu vidéo concernant les jeux publiés sur la console de Sega, Sony et Nintendo, qui avait alors 2 ans pour se conformer à l'article 51. Cette entente avait permis à la Commission de la protection de la langue française de fermer plus de 350 dossiers concernant des plaintes relatives à des jeux vidéo unilingues en anglais. Si la prochaine étape logique est de faire respecter l'article 52.1 de la Charte de la langue française qui stipule que, et je cite, « Tout logiciel, y compris tout ludiciel avec système ou système d'exploitation, qu'il soit installé ou non, doit être disponible en français, à moins qu'il n'en existe aucune version française. Les logiciels peuvent être disponibles également dans d'autres langues que le français, pourvu que la version française soit accessible dans des conditions sous réserve du prix lorsque celui-ci résulte d'un coût de production ou de distribution supérieur, au moins aussi favorable et possède des caractéristiques techniques au moins équivalentes. » Ça a l'air compliqué jusque-là. La déclaration de la ministre est surprenante, voire contradictoire, continue l'article. Madame Saint-Pierre reste vague quant au sort des jeux vidéo lancés en anglais en Amérique, puis en version française en Europe quelques semaines ou même quelques mois plus tard. Seront-ils tout simplement retardés? Sinon, les détaillants auront-ils à remplacer les versions anglaises sur les tablettes dès que les versions françaises seront disponibles? C'est ce qui est arrivé pour The Legend of Zelda Twilight Princess sur la Wii. Toutefois, comme l'article dit, tout comme j'ai pu le constater sur le terrain, la version anglaise est encore prédominante. Dans un autre article du Soleil, le journaliste qui n'a consulté qu'une seule source commet une grossière erreur en affirmant que la presque totalité des titres des consoles de nouvelle génération sont bilingues. Rien n'est plus faux. Comme vous le savez sans doute, je tiens à jour une liste des jeux disponibles en français sur ce site, le site étant jouer.com. Grâce à votre collaboration, cette liste est à jour sur une base mensuelle. En comparant le nombre de jeux disponibles en français au Québec par rapport au nombre total de jeux disponibles au Québec, j'arrive à la conclusion que 6% des jeux lancés sur console depuis 2000 sont disponibles avec des textes et ou des voix en français. Si l'on compare chaque plateforme, on constate effectivement une progression importante depuis 2 ou 3 ans. 17% des jeux offerts sur la Xbox 360 sont disponibles en français, comparativement à 11% pour la Xbox. 13% des jeux offerts sur la Wii sont disponibles en français, comparativement à 5% pour la GameCube. Enfin, 6% des jeux offerts sur PlayStation 3 sont disponibles en français, comparé à 3% de la PlayStation 2. En ce qui concerne les consoles portables, 5% des jeux sur DS sont disponibles en français, contre 4% pour la PSP et 3% pour la Game Boy Advance. On est très loin des 80% souhaités par l'OQLF. Puisque le Québec est intégré au réseau de distribution nord-américain, bon avec les États-Unis, où tout se passe en anglais, et qu'il est impossible d'importer de la France des jeux vidéo en français à cause de l'incompatibilité des formats entre PAL en Europe et NTSC en Amérique, est-ce que l'article 52.1 est réellement applicable, demande l'article. Ce qui pose problème d'un point de vue technique, c'est que plusieurs versions françaises sont disponibles uniquement sur les versions localisées pour l'Europe. Les développeurs utilisent la configuration EFIGS, English, French, Italian, German, Spanish, pour les jeux publiés au format vidéo PAL. Outre les fichiers texte multilingues qui sont présents sur ces versions, il y a également le formatage des vidéos qui est différent. Donc, si on explique, l'article l'explique, nos téléviseurs NTSC affichent des images selon un débit de 30 images secondes, alors que les téléviseurs PAL sont à 25 images secondes. La résolution est donc également aussi différente. Voilà, également. Il faudrait donc intégrer les textes en français sur les versions NTSC. Est-ce que les éditeurs sont prêts à faire ça? On ne sait pas. Donc, l'article continue en disant « Nous en saurons peut-être plus au cours des prochaines semaines si l'entrée de certains jeux vidéo au Québec est compromise ou retardée de quelques jours. L'intérêt commercial pour un jeu vidéo étant éphémère, cela n'encouragerait-il pas l'émergence d'un marché gris ou d'un marché de encore plus piraté qu'avant? Après tout, il n'est pas illégal de posséder un jeu vidéo unilingue en anglais au Québec et rien n'empêche une personne de s'approvisionner sur Amazon.com, EBGames.com ou n'importe quel autre site où on peut acheter des jeux vidéo. Certains craignent aussi de voir les petits éditeurs bouder le marché québécois. Ça se pourrait qu'on arrête de voir des jeux qui sont développés par des plus petites firmes. Bien entendu, si l'industrie des jeux vidéo se conforme à la charte de la langue française comme l'industrie du cinéma l'a fait au cours des dernières années, qui sait, nous aurons peut-être droit un jour à un plus grand nombre de lancements simultanés de jeux vidéo en français et en anglais au Québec, comme c'est le cas pour les sorties de films en salle ou en format DVD. Donc, l'article a été mis à jour pour dire que c'est avec l'Entertainment Software Association of Canada, l'ESA, que le gouvernement du Québec se serait entendu. Cet organisme comprend Activision Incorporated, Buena Vista Games, Electronic Arts, Microsoft Canada, Nintendo of Canada Limited, Sony Computer Entertainment, Take-Two Interactive, THQ, Ubisoft Entertainment et Vivendi Universal Games. Voilà. Les détails de l'entente vont être révélés à la mi-septembre. Très, très grosse affaire. Les gens en parlent, mais partout, sur chaque blog de jeux vidéo. Et d'ailleurs, sur celui de jouer.com, il y a beaucoup de bons petits commentaires. Tiens, en voici un de Alphonse qui dit « Comment débiliser une nation? Enlevez ou mettez des bâtons dans les roues de tout ce qui n'est pas français, comme ça vous réussirez à faire entrer votre règne de dictature. La langue quasi universelle, c'est l'anglais, apprenez-le à la place de chier dessus. » Voilà, désolé de l'avoir dit à la radio, c'était dans le texte. Pourquoi un autre blessis? Pourquoi est-ce que les gens seraient obligés de jouer à un jeu en anglais? Avec la Wii principalement, les jeux vidéo rejoignent un public encore plus général, et il est donc normal que les produits soient offerts dans la langue française. En référence à Alphonse, il dit « Personne ne parle d'enlever l'anglais, les jeux auraient quand même la piste anglophone, mais en plus de la version francophone. Si ta console est programmée en anglais, tes jeux seraient en anglais. Je vois pas ce qu'il y a de mal à cette annonce, si ce n'est qu'on risque d'avoir les jeux vidéo en même temps que les Européens, traduction oblige. » Voilà qui est le résumé qu'on pourrait faire de cette nouvelle-là. T'sais, on risque d'avoir les jeux vidéo très, très en retard comparé aux États-Unis. Maintenant, on a pas mal la même échelle que les États-Unis. Au Canada, on les a peut-être deux jours plus tard à cause de la livraison. Mais si c'était de la traduction, il faudrait attendre quelques mois ou sinon quelques semaines à peine, mais quand même, ça serait plutôt triste comme ça. Moi, en tout cas, je trouverais ça triste. Et ça veut dire, encore une fois, que les jeux de plus petites firmes pourraient ne pas se rendre jusqu'à nous. Voilà, on va suivre le dossier comme toujours, mais c'est une nouvelle très, très perturbante pour le monde des jeux vidéo. Continuons sur notre lancée. Maintenant, parlons de Nintendo un peu, parlons de choses illégales. Nintendo, les autres autorités mexicaines viennent de donner un coup dur à un réseau de contrebande au Mexique. Des raids ont été effectués au Mexique contre 12 distributeurs de produits illégaux de Nintendo, ce qui a permis de mettre la main sur pas moins de 15 000 produits contrefaits. De ces 15 000, 4 500 étaient des disques Wii illégaux. Ces raids suivent diverses actions menées par Nintendo au Mexique afin de combattre la contrebande de ces produits. Le mois dernier, Nintendo avait travaillé avec des douaniers afin de stopper un envoi de plus de 5 500 produits de contrebande provenant de la Chine et entrant dans Manzanillo. Avant ça, un raid avait été conduit dans Guadalajara afin de fermer 23 boutiques, ce qui a permis de mettre la main sur 56 000 produits illégaux de Nintendo, dont 11 000 disques contrefaits de Wii. Plus tôt ce mois-ci, des agents américains des douanes et de l'immigration ont mis en branle 32 mandats de recherche fédéraux dans 16 États au cours d'une enquête concernant la vente et la distribution de puces illégales conçues afin de contourner les protocoles de sécurité de la Wii et de permettre à des utilisateurs de faire rouler des disques contrefaits sur la console. Nintendo, ses développeurs et ses distributeurs estiment à 762 millions de dollars les pertes qu'ils ont subies en 2006 en raison du piratage de leurs produits. Passons de Nintendo à Microsoft. Au cours du Leipzig Games Convention, le GC, le site OneUp.com a pu apprendre une nouvelle qui fera rager ceux s'étant procuré le modèle Core de la Xbox 360. En effet, le président de Gearbox Software, Randy Pitchford, a déclaré au site que le jeu Borderlands demandera obligatoirement un disque dur, du moins si vous décidez d'y jouer sur Xbox 360. Pitchford a expliqué que le disque dur sera nécessaire en raison du système par lequel le jeu génère ce qu'il contient, allant des armes jusqu'aux armures. Borderlands aurait aussi des besoins autres que ceux des jeux de tir à la première personne traditionnels. Et je cite, « Si ce n'était d'où la Xbox 360 et la PlayStation 3 sont allées avec de gros disques durs, beaucoup de mémoire et de puissants processeurs, il serait impossible de penser que cela pourrait être un jeu de console. » Microsoft s'est toutefois montré peu encline à accepter des jeux demandant un disque dur sur Xbox 360. Pitchford a répondu à cela qu'il ne veut pas que son jeu soit l'objet d'une controverse et qu'il ne sait pas si Microsoft se plaignera de cela, c'est ce que l'article dit, mais que Borderlands a besoin d'espace afin de rouler. Donc Borderlands est présentement prévu pour une sortie à la fin de 2008 sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC. Les commentaires sont peut-être des exemples. De toute façon, si ça pose problème, je suis certain que Microsoft peut trouver une solution pour y remédier. Par exemple, un pack, voire offrir un disque dur au processeur du Core pour un coût moindre. Peut-être que ça pourrait arriver, un disque dur externe pour l'Xbox 360 ou un disque dur interne. Enfin bon. Laissons faire. Parlons un petit peu de la Wii maintenant. Tiens, si vous pensiez que près d'un an après sa sortie, la Wii serait plus facile à trouver, eh ben non, détrompez-vous, dit artgamers.com. En effet, selon le site DigiTimes, le manque de certaines pièces pour la console a forcé les producteurs taïwanais à retarder la hausse de production de la console. Selon l'article qui cite divers producteurs, le nombre de Wii en vente dans les magasins devrait encore être limité pour le reste de l'année 2007. Les ventes de la Wii continuent d'être très bonnes malgré tout, mais pourraient tout de même être encore meilleures si Nintendo parvenait à corriger ce problème d'approvisionnement. MTV Networks et Viacom ont annoncé un investissement majeur dans le domaine du jeu vidéo, prouvant que les deux firmes, MTV et Viacom, veulent bien s'établir dans cette industrie afin d'y être importantes. En effet, elles vont investir plus de 500 millions de dollars américains dans le développement de jeux au cours des deux prochaines années, ce qui est fort important selon Artgamers. Selon Reuters, cet investissement majeur fait partie d'une initiative afin de faire des jeux une partie centrale des plans de MTV, et je cite « J'aimerais voir plus de jeux basés sur nos marques importantes dans la division musicale. » Ouais, j'imagine que ce sera peut-être un jeu de Pimp Mon Char. Ouais, pas bien. La baisse du prix de la PlayStation 3 au début du mois de juillet aura permis à la console de Sony de devancer celle de Microsoft au Canada, imaginez. Toutefois, la PlayStation 3 reste derrière la DS, la Wii et la PlayStation 2. Microsoft ayant baissé le prix de la Xbox 360 au début du mois d'août, Microsoft réussira certainement à reprendre le dessus, sur Sony le mois prochain. C'est selon Jouets.com, l'industrie du jeu se porte bien au Canada. Les ventes de consoles, de jeux et d'accessoires ont été 62% supérieures à celles de l'année dernière, totalisant 84 millions de dollars. Les ventes de consoles ont plus que triplé, atteignant 35,8 millions de dollars. Les ventes de jeux ont enregistré une hausse respectable de 30%, totalisant 38,2 millions de dollars. Quant aux accessoires, ces derniers ont enregistré une hausse appréciable de 78%, atteignant 10 millions de dollars. Donc voici les ventes détaillées de consoles au mois de juillet 2007 au Canada, selon NPD Canada. La première position, c'est DS, avec 45 000. Ensuite, on retrouve la Wii, la PlayStation 2, la PS3, la 360, la Game Boy Advance et la PSP avec presque 6 000. Vente. Du côté des jeux, Wii Play a repris la tête en juillet, causant une certaine surprise. La franchise Guitar Hero a connu un solide mois de juillet en plaçant 3 titres dans le top 10. Deux jeux PlayStation 3 se sont hissés à la toute fin du palmarès de vente du mois de juillet, signe que les bonnes ventes de consoles PS3 ont légèrement stimulé les ventes de jeux de PlayStation 3. Donc voici en détail les ventes de jeux vidéo au mois de juillet 2007. La position numéro 10, Brain Age, Train Your Brain in Minutes a Day. Ensuite, New Super Mario Bros., Pokémon Pearl, Transformers The Game et Guitar Hero 2. En 5e, Mario Party 8 sur la Wii. En 4e, Pokémon Diamond sur la DS. En 3e, Guitar Hero Encore Rocks the 80s sur la PS2. En 2e, c'est Guitar Hero 2 sur la PS2, celle qui vient avec la guitare. Et en première position, c'est Wii Play, toujours sur la Wii, selon NPD. Est-ce que cette tendance se confirmera aux États-Unis? Bon, on en parlera tantôt. On va parler aussi du Japon, si ça vous tente. Mais pour l'instant, voilà qui est assez de nouvelles pour tout de suite. Il nous reste encore quelques nouvelles sur la PlayStation 3. Il nous en reste aussi sur le Play TV de Sony et de DEFCON, un jeu qui va être gratuit le week-end prochain. C'est pas génial. Mais tout de suite, voici une pièce de Mick et tout seul à la connexion, l'émission de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à C'est fou 89.1 FM. C'est sûr, pour effacer les fissures et que la peau devienne dure, faut pas frotter les blessures, c'est sûr. Si tu veux toucher l'azur, faut pas cracher sur les murs et pas casser les voitures, mais c'est dur. Des fois je me dis que j'ai rêvé, mais quand je me suis réveillé, le cauchemar avait gagné, c'est dur. Parce que c'est comme ça, je te jure. Sur la tête de ma planète, quand s'en ira faire la fête, j'oublierai pas ma triplette, je te jure. Sur la tête de ma petite sœur qui me regarde et qui pleure parce que tu pars avant l'heure, je te jure. Sur la tête de mon petit frère que je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère, je te jure qu'on se reverra là, c'est sûr. C'est sûr, il y aura des jours en juillet où le soleil va briller, mais mon bateau va couler, c'est sûr. Qu'il faudra bien s'accrocher, bouger la tête et les pieds pour réapprendre à nager, mais c'est dur. Des fois je me dis que j'ai rêvé, mais quand je me suis réveillé, le cauchemar avait gagné, c'est dur. Oui mais c'est comme ça, je te jure. sur la tête de ma planète. Quand s'en ira faire la fête, j'oublierai pas ma triplette, je te jure. Sur la tête de ma petite sœur qui me regarde et qui pleure parce que tu pars avant l'heure, je te jure. Sur la tête de mon petit frère que je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère, je te jure. Qu'on se reverra, là, c'est sûr. Sur la tête de ma planète, quand s'en ira faire la fête, j'oublierai pas ma triplette, je te jure. Sur la tête de ma petite sœur qui me regarde et qui pleure parce que tu pars avant l'heure, je te jure. Sur la tête de mon petit frère que je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère, je te jure. Qu'on se reverra là, papa. Mick est tout seul avec, je te jure, Mick est tout seul, qu'on connaît de Mickey 3D. Et son album s'appelle Les chansons perdues à la connexion. Maintenant, on continue le fil du jeu vidéo parce qu'il nous reste quelques petites choses à dire là-dessus. Selon les dernières informations concernant la version 1.80 du SDK pour la PlayStation 3 fournie voilà quelques semaines par Sony aux développeurs, c'est ce que Sony donne aux développeurs pour faire des jeux, il semble que l'une des plaintes majeures commence à être résolue. La mémoire réservée au système passe de 84 MB, 52 en RAM système et 32 en RAM graphique, à 72 MB, donc 48 et 24, ce qui permet aux développeurs d'avoir accès à une plus grande capacité de RAM pour les jeux. D'autres ajouts se sont greffés, dont la possibilité de jouer des musiques autres que celles du jeu prises sur la PlayStation 3 du joueur, celle de pouvoir prendre des captures d'écran et les exporter vers le répertoire de photos de la PS3, ainsi que l'utilisation possible de la PSP directement dans un jeu prévu pour la PS3. Bien entendu, ces nouvelles fonctionnalités vont devoir être intégrées dans les jeux par les développeurs pour qu'elles soient utilisables, mais ça, c'est des possibilités du futur. Chat vocal, vidéoconférence et messagerie instantanée, autant d'applications qui vont bientôt faire le quotidien des possesseurs de la PSP. Outre les vidéos à télécharger via le fraîchement annoncé Play TV, dont on va parler dans quelques secondes, c'est en tout cas ce que Sony espère en lançant une petite suite de logiciels qui s'appelle Go Messenger. Ces services gratuits vont être disponibles via une update, une mise à jour du firmware, le logiciel à la base de la console, prévu en janvier prochain, mais il va falloir en revanche bien mettre la main à la poche pour les accessoires comme le micro-casque ou la caméra. Dans le même registre, un GPS baptisé Go Explore, oui, un GPS sur PSP est payant, ça va être payant, viendra également bientôt étendre les possibilités de la PlayStation portable. On parlait de la Play TV, confirmant le statut grandissant de la Games Convention de Leipzig, dont on parlait encore tantôt. Sony avait réservé une annonce de taille pour sa conférence tout juste terminée, dit l'article de GameCult.com. Le constructeur japonais a en effet dévoilé la sortie prochaine de Play TV, soit un tuner enregistreur pour la PlayStation 3, confirmant son ambition de faire de sa console une véritable plateforme multimédia. Cet accessoire permettra donc de recevoir, lire et enregistrer des programmes vidéo en basse ou en haute définition. Il devrait également permettre d'accéder à un service de vidéo on demand, vidéo sur demande, histoire de proposer encore plus de choix à ses heureux possesseurs. En plus de regarder des programmes sur sa télé préférée, le Play TV, va permettre également de rediriger le flux vidéo de sa PSP pour ne rien manquer d'un match de football, par exemple. Même dans un cas de problème digestif. Comment? Même en cas de problème digestif, d'accord. Et puis, c'est un drôle d'article. Prévu pour le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, le Play TV devrait débarquer dès le début de l'année 2008. Si la firme japonaise semble travailler en partenariat avec l'opérateur Sky, entre autres, il reste à savoir d'où viendront les programmes pour les téléspectateurs partout dans le monde et à quel prix ça va être proposé. Nul doute qu'on apprendra plus à ce sujet dans les semaines ou les mois à venir. L'article est tellement français. Introversion Software a décidé de laisser tout le monde s'entretuer gentiment le week-end prochain grâce à une offre spéciale qui va permettre dès le 24 août à 20h. Si vous écoutez en direct le jeudi matin, ça veut dire demain vendredi. À partir de... Non, en fait, est-ce que c'est 20h? Ça, c'est heure française. Je ne me rappelle pas exactement l'heure aux États-Unis, mais c'est écrit sur le site de DEFCON. Enfin bon, jusqu'au 27, à 8h du matin. Ils vont pouvoir jouer gratuitement. Tout le monde va pouvoir jouer gratuitement à la version complète de DEFCON, qui est le jeu d'entretuage total. Pour ce faire, il va suffire de télécharger la démo du titre qui est disponible sur le everybody-dies.com pour 59 MB et d'attendre que ces restrictions soient levées au début de l'événement. Donc, toutes les informations sont sur everybody-dies.com. Mais les articles de l'émission d'aujourd'hui et de toutes les émissions sont toujours sur le www.unechance.com. Unechance.com, c'est là qu'il faut aller. Voilà qui fait le tour pour le film jeux vidéo. Regardons les jeux les plus loués chez Superclub Vidéotron la semaine dernière. De la 10e à la 6e, c'est NASCAR 08 sur PS2, Boogie sur la Wii, NASCAR 08 sur la 360, Madden NFL 08 sur PlayStation 2 et Forza Motorsport 2 sur 360. En 5e, c'est Transformers The Game sur PlayStation 2. En 4e, c'est Guitar Hero Encore, Rocks the 80s. La position numéro 3, c'est Madden NFL 08 sur 360. En deuxième, c'est Mario Party 8 sur la Wii. Et en première, c'est Mario Strikers Charge sur la Wii. Vidéotron et de Playboy sur DVD à la connexion. Deuxième demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans quelques secondes, on parle des magazines Playboy et Rolling Stone qui vont être offerts sur DVD au ROM. C'est quelque chose qui vous intéresse, j'en suis sûr. I'm Interpol avec la pièce The Irish Maneuver. À la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à CFOU 89.1 FM. Maintenant, c'est l'heure du fil informatique. Parlons des choses qui sont passées dans le domaine des ordinateurs cette semaine. On commence par une nouvelle qui fait parler bien des gens, même si c'est pas super important. Mais bon, on va voir. Vidéotron a défendu en début de semaine sa décision d'imposer une limite de téléchargement de 100 gigaoctets par mois pour les abonnés de son service Internet haute vitesse extrême. En entrevue avec branchezvous.com, Manon Brouillette, la vice-présidente au marketing chez Vidéotron, a expliqué que sa compagnie était la dernière à encore offrir un service ultra rapide de téléchargement illimité au Québec, mais que la pression sur son réseau est maintenant rendue trop grande. Elle a corrigé en disant que Bell a un service OptiMax illimité, mais bon, quand même. Selon elle, la priorité de Vidéotron est avant tout, et je cite, « d'assurer une qualité de service à l'ensemble de ses abonnés, peu importe qu'ils consomment beaucoup ou pas beaucoup. 100 gigaoctets, c'est beaucoup de données, et nous constatons que seul un très faible pourcentage d'utilisateurs dépasse mensuellement cette limite. » Il est impossible pour branchezvous.com de savoir quel était exactement ce pourcentage, mais j'imagine qu'elle a quand même raison, parce que c'est pas beaucoup de monde qui ont besoin d'autant de place et de bandes passantes. La limite va entrer en vigueur le 1er octobre. Ça fixe à 100 gigaoctets les téléchargements en download et en upload, ce qu'on appelle en français en aval et en amont, c'est-à-dire les données reçues et envoyées par les clients du service de Vidéotron. Chaque gigaoctet excédentaire va être facturé à 1,50$ jusqu'à un minimum de 30$. Jusqu'à un maximum, pardon, de 30$, donc voilà. Ça peut pas aller plus haut que 30$. C'est là où on se comprend là-dessus. L'abonnement au service coûte 74,90$ par mois ou 64,90$ pour ceux qui prennent un engagement d'un an avec Vidéotron. C'est vers la fin de la semaine dernière que les abonnés du service de Vidéotron ont appris la nouvelle. Plusieurs de ces abonnés, en particulier ceux qui ont pris un engagement de 12 mois avec la compagnie, ont protesté avec virulence sur Internet. Là, je les comprends s'ils ont signé un contrat. Dont la blogueuse Stéphanie Beaucaire dans son carnet « Les ailes de mon cœur lourd ». Et je cite « L'offre telle qu'elle m'a été proposée, expliquée et vendue. Donc 64,90$ par mois, vitesse maximale et transfert illimité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'était encore sur leur site Internet le 16 août à 18h42 », écrit-elle dans son blog. C'est la raison pour laquelle j'accepte de me faire soutirer 64,90$ par mois par Vidéotron, transfert illimité. Wow, c'est super intéressant. Cependant, selon Mme Brouillette, les changements apportés au service Internet haute vitesse extrême respectent toutes les ententes contractuelles prises avec les clients. Tout est fait dans les règles de l'art et conformément au contrat, a-t-elle expliqué. Quant au site Internet de la compagnie, il indique encore, que le service Internet haute vitesse extrême offrait un transfert illimité. Selon Vidéotron, il devrait être mis à jour sous peu. Donc, un moment vraiment pas très intéressant de l'article qui a été écrit le lundi 20 août dernier. Donc, ça cause une grosse controverse, mais ouais, je comprends très bien. Je comprends très, très bien. Moi aussi, j'adore ça, le transfert illimité. Et dans le fond, ouais, OK, je suis de là-bas. ça a pas pris grand-chose pour me faire changer d'idée. Mais c'est que je trouvais que 100 gigs, même pour quelqu'un, en tout cas, quelqu'un qui est très, très productif côté upload-download, 100 gigs, c'est beaucoup. La biographie dans Wikipédia du président du comité exécutif de la ville de Montréal, le conseiller Frank Zampino, a temporairement été vandalisée par un internaute qui serait peut-être un employé municipal, selon la presse. Dans la biographie vandalisée, M. Zampino, il était décrit comme un membre présumé de la Fédération internationale Tuons les Juifs, un nazi et un membre de White Watchers. La modification diffamatoire a été effectuée le 15 août à 12h19, mais a été corrigée 2 minutes plus tard. L'auteur a complètement retiré les allégations et a apporté d'autres détails non diffamatoires sur M. Zampino. Le hic, c'est que les adresses IP des internautes qui modifient les articles de l'encyclopédie en ligne sont toutes enregistrées et diffusées publiquement par souci de transparence. Et celle du vandal mène où? À un ordinateur de l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordinateur en question est même situé dans une salle de conférence du cabinet du maire Gérald Tremblay. Une enquête interne a immédiatement été ouverte afin de trouver le coupable, qu'il soit un employé, un visiteur ou un pirate informatique qui aurait réussi à s'infiltrer à distance dans le système informatique. La découverte par la presse de la modification diffamatoire a été rendue possible grâce à l'outil Wikiscanner dont on parlait la semaine dernière, qui a été créé par Virgil Griffith, un étudiant en informatique de l'Université d'Indiana aux États-Unis. C'est le chien qui permet de savoir justement d'où viennent chacune des modifications. On avait appris la semaine dernière qu'il y avait plusieurs compagnies qui modifiaient leur propre page pour se faire du bon marketing. Hein? Les magazines Playboy et Rolling Stone vont être offerts sur DVD-ROM. Yay! Bundy Digital Publishing offrira sous peu deux collections, des célèbres magazines américains Playboy et Rolling Stone qui ont tous deux marqué la scène culturelle à leur manière. Les DVD ne contiennent pas seulement des copies numérisées des pages du magazine, tout le contenu a été indexé et est entièrement consultable. Playboy The 50s contient, comme son nom l'indique, tous les numéros du célèbre magazine des années 50. La sortie du coffret des années 60 est déjà prévue pour le printemps prochain. Outre les célèbres Playmates, la revue est également reconnue pour les grandes entrevues qu'elle présente tous les mois. Rolling Stone, The First 40 Years, présentera tous les numéros du célèbre magazine de musique qui ont été publiés depuis son lancement le 9 novembre 1967. Bien sûr, tous les grands noms et les mouvements de la musique y sont. L'article continue sur branchez-vous.com en disant « Qui dit coffret en DVD dit supplément. » Les acheteurs du coffret Rolling Stone vont recevoir un abonnement de 2 ans à la revue ainsi qu'un livre illustré de plus de 200 pages sur l'histoire, la musique et de la culture. Le coffret Playboy, lui, vient avec une poupée gonflable. Non, c'est pas vrai du tout. Il est également offert avec un livre ainsi qu'une reproduction imprimée du premier numéro qui mettait en vedette Marilyn Monroe. Donc, avis aux collectionneurs, dit l'article, c'est quand même un pas vers l'avant dans la technologie d'aujourd'hui. Preuve qu'on est en 2007. L'article de infodunet.com commence en disant « On commence à y être habitué. Google n'arrête pas de faire parler de lui. Pourtant, ce n'est pas pour un rachat, ni pour un nouveau service, ni pour une amélioration que le nom de l'entreprise fait cette fois-ci couler de l'encre, mais pour un bien malheureux concours de circonstances qui l'implique dans des attaques de phishing. » Donc, selon la société Sextheory, spécialisée en sécurité informatique, les fameux Google Gadgets seraient en effet d'excellentes portes d'entrée pour les attaques par phishing dans nos ordinateurs. Ces petits widgets qui décorent notre bureau ne se contentent donc pas d'être mignons, mais peuvent renfermer involontairement un danger pour la sécurité de l'internaute. Ce danger se situe principalement dans les informations affichées par ces gadgets, généralement glanées sur Internet. Le danger se voit donc multiplié par le fait qu'un développeur tiers peut créer son module et le soumettre ensuite à Google pour qu'il soit publié sur le site gmodules.com. Ce nom de domaine n'étant pas reconnu comme dangereux par les logiciels et autres dispositifs de sécurité, puisqu'il appartient à Google, le moyen est donc trouvé pour contourner la méfiance des utilisateurs et la vigilance des logiciels. La société a donc averti Google de cette menace qui semble n'avoir pas pris l'avertissement au sérieux. Donc des gadgets de Google, c'est pour la page d'accueil de Google au google.com/IG, ou encore, je crois que le Google Desktop peut afficher des gadgets aussi, mais je ne suis pas certain parce que je ne m'en sers pas. La fonction avait déjà été testée pendant quelques temps par le service de vidéo de Google, toujours au sujet de Google. Voilà qu'elle devient effective et que son lancement est officiel. Il pourra donc vous arriver à l'avenir de croiser sur YouTube certaines vidéos vous invitant à regarder la bande-annonce d'un film ou une publicité en particulier. Il s'agit de la nouvelle régie publicitaire de Google. L'incrustation de ces publicités, parce qu'ils disent vraiment dans l'article d'Info du Net que c'est de l'incrustation de publicité, se fera simplement et de manière peu gênante pour l'utilisateur. Lorsque celui-ci va visionner une vidéo, une petite animation en bas de celle-ci l'invitera à cliquer pour découvrir un spot publicitaire. Si l'utilisateur ignore ce lien, il disparaîtra au bout de quelques secondes. S'il décide en revanche d'assouvir sa curiosité, une nouvelle vidéo se lancera sans mettre fin à la première et présentera la publicité en question. Une fois la pub terminée, l'internaute va revenir automatiquement à la vidéo qu'il regardait initialement. Lancée cette semaine, cette méthode de publicité devrait permettre à Google de toucher un plus grand nombre d'annonceurs. La régie publicitaire passant par Google Vidéo étant assez limitée jusqu'à maintenant, la popularité de YouTube ne manquera pas d'attirer les annonceurs qui devront tout de même payer 20$ pour 1000 diffusions, choisies en fonction de l'heure de la journée, du profil de l'internaute, de la situation géographique et du type de vidéo. YouTube se tisse déjà un réseau de partenaires de par le monde. Voilà, si vous voulez plus d'informations, allez voir l'article « La pub s'incruste dans YouTube » sur le unechance.com, qui est le site de l'émission. J'ai aussi posté quelques articles rapides sur Skype, qui a eu une grosse panne cette semaine. Ça a été réglé. Ça avait rapport avec une mise à jour. L'article vient de l'Associated Press. Et des utilisateurs de Facebook qui coûtent des milliards de dollars à leurs employeurs. Ça se passe en Australie. Donc, ça dit l'immense popularité de Facebook en Australie reflète bien la toute nouvelle tendance du web 2.0, alors que plus de 230 000 Australiens sont déjà membres du site. Et apparemment que ça cause une perte aux employeurs de jusqu'à 5 milliards de dollars australiens par année. 5G, je crois que c'est milliards de dollars par année. Donc, allez voir l'article sur lunechance.com. Et quelques petits numéros rapides sur Facebook que j'ai vu dans un article de downloadsquad.com. Ça vient de webstrategist.com. Il y a au-dessus de 150 000 personnes qui s'inscrivent quotidiennement depuis le mois de janvier sur Facebook. 35 millions d'utilisateurs présentement. En septembre, il n'y avait aucun utilisateur qui venait de l'extérieur des collèges, parce qu'à ce moment-là, c'était seulement pour les gens, les étudiants de certains collèges aux États-Unis. Et maintenant, ces gens-là consistent en la moitié de Facebook, c'est ce que ça dit. Les visiteurs, en moyenne, restent pendant 20 minutes sur Facebook. Il y a 47 000 groupes sur Facebook. Des groupes, c'est des choses que tu peux auxquelles tu peux t'inscrire. Par exemple, membre de l'UQTR, ça peut être amateur de tel groupe de musique. Il y a 47 000 de ces groupes-là. Et il y a plus de 2000 applications. La plupart sont vraiment nulles, mais bon. Les applications, par exemple, il y en a où tu peux acheter des drinks pour tes amis. Il y en a où tu peux choisir quels sont tes meilleurs amis pour faire des jaloux. C'est ça, des applications. Enfin bon, ça, c'était quelques chiffres intéressants que j'avais trouvé sur Facebook. Maintenant, regardons, vu que c'est la fin du fil informatique pour l'instant, quelques mots qui ont été les plus cherchés sur Google cette semaine. C'est via Google Hot Trends, c'est aux États-Unis et c'est pour, c'est en direct, c'est le 23 août 2007. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a eu apparemment Miss Amputee au numéro 41, Miss Amputee, d'accord. Il y a aussi, on voit Ohio Flooding, apparemment qu'il y a eu beaucoup d'eau en Ohio cette semaine. Il y a aussi, on a vu apparemment quelques parties de l'anatomie de Beyoncé cette semaine. Donc, Beyoncé Wardrobe Malfunction est au numéro 17 présentement. Shoulder Muscle, muscle de l'épaule, est en 13e position. Le numéro 1 est occupé par Juanita Bynum. Juanita Bynum, qui est une personne connue à la télé, une ministre à la télé. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans une émission de religion ou quelque chose du genre? Enfin bon, Juanita Bynum. Oui, c'est ça, exactement, une prêtre. Voilà, c'est bien ce que ça dit. J'espère toujours ne jamais faire d'erreur dans cette chronique-là, parce que je sais souvent vraiment pas c'est quoi les mots. Il y a beaucoup, ce que je vois, une chose que je retrouve beaucoup dans les palmarès cette semaine, c'est RottenNeighbor.com en 7e position. En 8e, il y a RottenNeighbor tout court. En 50e, il y a www.RottenNeighbor.com. Donc, apparemment, il y a bien des gens qui aiment RottenNeighbor. Allez voir, je sais pas. Et tandis que du côté du Québec, sur la toile du Québec, on retrouve en 10e position jusqu'à la 6e, tête à claque, annonce classée, 411, emploi Québec accédé. En 5e, c'est stable pour l'Auto-Québec. En 4e, ça descend, c'est Hotmail. En 3e, stable, Météo-Média. En 2e, ça remonte, c'est les PAC. Et en 1e, c'est toujours stable. Ça arrêtera jamais. C'est Horoscope. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Assez fou de la radio Campus de Trois-Rivières. La Banque Machine et pas des affaires de leur album Popus à la Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Assez fou 89.fm. Maintenant, c'est l'heure de faire quelques nouvelles du futur. Plusieurs équipes scientifiques dans le monde tentent de créer la vie en partant de zéro, un objectif qui devait être atteint et devrait être atteint d'ici 3 à 10 ans selon les experts. Et je cite, ça va être très important et tout le monde va en entendre parler, selon Mark Beddow, pour la société de biologie synthétique Protolife basée à Venise en Italie, participe à cette quête. Et je cite, il s'agit d'une technologie qui pourrait changer le monde de manière fondamentale et impossible à prédire. La future première cellule de vie synthétique conçue à partir d'éléments chimiques de base de l'ADN paraîtra peut-être anodine pour les non-initiés, mais, et je cite, « créer des protocellules ». Protocellules promet d'ouvrir de nouvelles perspectives sur notre place dans l'univers. Plusieurs chercheurs assurent que des formes de vie fabriquées par l'homme permettront un jour de résoudre nombre de problèmes, par exemple lutter contre les maladies, bloquer les gaz à effet de serre ou encore digérer les déchets toxiques. Monsieur Beddow évoque trois difficultés majeures pour créer une vie synthétique. La cellule doit posséder une membrane bloquant les mauvaises molécules, mais laissant entrer les bonnes. Un système génétique qui contrôle les fonctions de la cellule, lui permettant de se reproduire et de muter pour réagir à des changements dans son environnement. Et un métabolisme capable d'extraire des matières brutes dans l'environnement pour s'en nourrir. Un des grands spécialistes de la discipline, Jack Sostak, de l'école de médecine de Harvard, prédit que d'ici 6 mois, des preuves que la première étape, créer une membrane, n'est pas un gros problème, seront rapportées par les scientifiques. Monsieur Sostak est également optimiste pour l'étape suivante, amener les nucléotides, éléments de base de l'ADN, à former un système génétique qui fonctionne. Selon lui, une fois la membrane constituée, et si des nucléotides ont été ajoutés dans de justes proportions, une évolution de type darwinienne pourrait intervenir, et je cite, « Nous ne sommes pas assez intelligents pour concevoir les choses, nous devons laisser l'évolution faire le plus dur et ensuite voir ce qui se sera passé. » À Gainesville, en Floride, Steve Banner de la Fondation pour l'évolution moléculaire appliquée a choisi une autre voie s'écartant de la génétique naturelle. L'ADN normal est constitué de bases, adénine, cytosine, guanine et thymine, qui, associés par paire, expriment le code génétique. M. Banner tente d'ajouter 8 nouvelles bases à l'alphabet génétique. Voilà un article très, très compliqué et pas pour tout le monde, mais quand même que je trouve intéressant. C'est selon le Associated Press par Seth Bornstein, publié sur canoë.com. Une autre chose que j'ai trouvé vraiment intéressante du futur, Talera Corp, une jeune firme de semi-conducteurs de la Silicon Valley, lance sur le marché une puce munie de 64 unités de traitement en cœur, propulsant ainsi la compagnie plusieurs générations en avance sur ce qui se fait actuellement en termes de produits pour le grand public. Au cours des récentes années, des fabricants de microprocesseurs tels que Intel et Advanced Micro Devices, AMD, ont eu à faire face à la croissance constante de la consommation en énergie de leurs produits au fur et à mesure qu'ils en ont augmenté la fréquence d'horloge. La nouvelle tendance n'est plus à l'augmentation de la fréquence d'horloge des microprocesseurs. Intel, AMD et d'autres assemblent dorénavant de multiples cœurs ou centres de traitement sur une seule puce, ce qui augmente le rendement tout en maintenant la consommation en électricité à des niveaux raisonnables. Et je cite, « On étale des cœurs un peu comme des tuiles sur un plancher. » C'est ce qu'a dit le fondateur de Talera et chef technique de l'entreprise. « D'ici 2014, nous verrons sur le marché une puce à 1000 cœurs. » 1000 cœurs. Fort d'un investissement en capital risque de 40 millions, Talera ciblera pour l'instant les marchés du réseautage et du multimédia numérique de pointe. La compagnie peut compter sur une douzaine de clients qui intègrent son processeur Tile 64 à leur machine destinée à ces marchés. Si vous voulez lire le reste de l'article qui s'appelle « Un microprocesseur à 1000 cœurs d'ici 2014 », allez voir leunechance.com. L'article est dans la section « Nouvelles du futur ». J'ai aussi posté un article sur Sharp qui a dévoilé un téléviseur de moins de 3 cm d'épaisseur. Oui, 29 mm. C'était dévoilé le mercredi 22 août. Il s'agit, selon Sharp, de l'écran LCD le plus léger et le moins énergivore au monde. Et certaines fournitures scolaires, telles des cartables, des sacs à dos et des étuis à crayons, contiennent désormais un nouveau gadget, des haut-parleurs intégrés. Les élèves ont donc qu'à brancher leur lecteur musical dans un dispositif à l'intérieur des fournitures scolaires pour partager leur musique avec le reste de la classe. La porte-parole de l'entreprise Ilroy, qui fabrique ses produits dernier cri, Jennifer Walker, assure qu'ils ont été conçus pour l'amusement des écoliers après les cours. Oui, après les cours. Après les cours, c'est sûr que tu vas garder tes livres avec toi toute ta soirée et écouter de la musique. Hein? Cependant, en entrevue au Journal de Montréal, des représentants du monde scolaire sont outrés. Un professeur de français au secondaire, Martin Bibeau, qualifie l'initiative de grotesque et de farfelu, tandis que Yves Parenteau, le porte-parole de la Fédération autonome de l'enseignement, dénonce que la course au profit de Ilroy fasse naître un produit difficile à détecter par les enseignants étant intégré à du matériel de classe standard. Pour sa part, Denis Pouliot, le porte-parole de la Fédération des commissions scolaires du Québec, s'attend à ce que bien des écoles interdisent ces gadgets. Et surfant sur la vague des smartphones, le constructeur HP souhaite donner aux utilisateurs de portables la possibilité d'imprimer leurs documents sur des machines en libre accès. pouvoir imprimer des documents, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'imprimante, c'est peut-être le rêve de plusieurs nomades. Hein? C'est en tout cas la nouvelle idée de HP. Pour augmenter encore plus les bénéfices issus de son activité d'impression, c'est ce qu'ils ont révélé au New York Times. L'article est paru sur 01net.com. Le principe repose sur un service pour l'instant non accessible qui s'appelle CloudPrint. Il s'agit pour l'utilisateur d'envoyer par Internet un document numérique à HP qui va le transformer en PDF et qui va renvoyer un code d'identification par SMS sur le téléphone mobile de l'utilisateur. Lorsque ce dernier va souhaiter imprimer son document, il n'aura plus qu'à se connecter au site web de CloudPrint, chercher l'imprimante en libre accès la plus proche, saisir le code, et c'est parti. Vive la technologie! Pour le constructeur, ce nouveau service est aussi un moyen de tenter de profiter de l'enthousiasme créé autour du marché des smartphones par le iPhone d'Apple. Mais il y a un hic. Pour l'instant, il n'existe pas encore d'imprimante en libre accès connectée au service CloudPrint. HP compte résoudre ce problème d'ici la fin du mois et faire un flop avec ça d'ici l'année prochaine, j'imagine. La société prévoit de finaliser prochainement un partenariat avec un revendeur important qui proposera ce type de service dans des centaines de lieux aux États-Unis. Peut-être ai-je tort, mais il me semble que ça me paraît comme une farfelue idée. Et finalement, ben tiens, je crois qu'il nous en reste encore deux. J'arrête pas de dire finalement depuis tantôt. Je vais vous laisser aller lire l'article qui parle du Japon. La mâchoire devient télécommande universelle. Les chercheurs japonais ont annoncé avoir développé une nouvelle sorte de télécommande qui utilise la détection des mouvements de la mâchoire pour donner des instructions simples à un baladeur musical ou à un autre appareil électronique. Donc, vous allez vous faire aller la mâchoire toute la journée pour faire avancer la pièce. Ça va être génial. L'article est sur lunechance.com. Même chose pour les connexions USB sans fil qui vont aider à faire disparaître les câbles. Ce serait mon rêve, mon plus grand rêve dans ma vie, c'est de me débarrasser de mes câbles partout. Non, c'est pas le plus grand, mais c'est un de mes rêves. Disons que je vise bas. Voilà, je fais le tour des nouvelles du futur. Regardons un petit peu ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire pour la semaine du 19 au 25 août 2007. En 1934, l'innovateur du Digital Equipment Corporation, hein, le DEC, Gordon Bell, est né. Pendant ses 23 ans au DEC, Bell a développé plusieurs des mini-ordinateurs qui ont eu le plus de succès pour la compagnie, en plus de la machine très bien connue, la VAX, la VAX Machine. Voilà. En plus, c'est un des meilleurs architectes d'ordinateurs au monde. Bell est considéré par plusieurs comme le père du mini-ordinateur et est aussi un expert, une autorité sur le supercomputing. Il a été l'auteur de plusieurs livres. Il a reçu plusieurs prix aussi, dont le National Medal of Technology, et le IEEE Von Neumann Medal. Gordon et Gwen Bell sont les cofondateurs du Computer Museum History Center. Le Computer History Museum, qui est la place où je prends ces choses qui sont passées dans l'histoire. Le 21 août, en 1888, voilà, William S. Burroughs a reçu un brevet pour sa machine à calcul. Et à l'intérieur d'une année, avait produit 50 machines déjà. En fin de compte, elles étaient difficiles à utiliser, mais elles se sont améliorées avec le temps et en fin de compte, sont devenues une force dans l'industrie des calculatrices qui était à ce moment-là en développement. C'était très, très tôt dans l'histoire. Le 22 août, en 1955, le premier groupe d'utilisateurs d'un ordinateur a été fondé. Share a été fondé par des utilisateurs du modèle 704 de IBM, qui est montré sur la photo si vous voulez la voir, ou unechance.com, gigantesque d'ailleurs. Share a été fondé pour accommoder, si on veut, les utilisateurs d'ordinateurs de IBM, qui est un groupe qui grandissait de plus en plus, surtout des compagnies sur la côte ouest américaine, des compagnies d'aerospace, qui est écrit dans l'article. C'était en fait pour s'échanger des informations et des programmes. Voilà, qu'est-ce que c'est. Ensuite, en 1993, le 23 août, Nintendo a signé un accord pour utiliser la technologie de Silicon Graphics dans sa machine de jeu qu'elle développait à l'époque. Voilà, ça c'est pour SGI. Et finalement, en 1995, Microsoft a envoyé Windows 95 avec un des plus grands lancements de logiciels de son histoire. Et les ventes de Windows 95 ont été encore plus hautes. Ils ont excédé les prédictions. Étrangement, c'était deux années exactement au jour près. C'était deux ans après que Apple ait perdu une poursuite d'infraction de copyright pour le look de son... je crois que c'était de Windows. Voilà, ils avaient perdu leur poursuite contre Microsoft. Ils disaient c'est ça. J'essayais de le lire en même temps pour vous le dire. Et c'est ça. Ils disaient que ça ressemblait trop à un Mac, voilà, pour Windows 95. Et finalement, le 25 août 1996, Netscape Communications Corp. a annoncé qu'ils avaient créé une compagnie de logiciels en alliance avec IBM, Oracle et quatre compagnies d'électronique japonaises, Sony, Nintendo, Sega et NEC, pour former une compagnie qui s'appelait Navio Corp, qui devait compétitionner avec Microsoft Corp, hein, pour créer un nouveau système d'exploitation Ça, c'était en 1996. Est-ce que d'autres informations pratiques là-dedans? Non, voilà. Si vous voulez voir plus d'informations sur chacune de ces choses qui sont passées cette semaine dans l'histoire, allez voir le www.unechance.com. Vous écoutez la collection à CC89. Ok, Volca avec Imaginaire Incontournable, c'est la fin! C'est la fin de la première heure, mais avant de se quitter, nommez-moi la pièce qui joue en ce moment, c'est votre quiz musical de la semaine. Si vous avez la réponse, pensez-y, je vous la donne dans même pas deux minutes à la connexion ACFOU 89.FM, la radio campus de Trois-Rivières. Avant la pause, je vous ai demandé de me nommer la pièce qui joue en ce moment sur votre quiz musical de la semaine. Je vous laisse encore quelques secondes pour y penser. Si vous avez deviné le jeu Diddy Kong Racing sur la Nintendo 64, bravo à vous, c'est bien le jeu cette semaine, Diddy Kong Racing. C'est génial. Bonjour, c'est la deuxième heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et de midi, vive le midi. Dans cette deuxième heure, on va parler entre autres de crime hein, et de technologie. On va aussi suivre quelques autres petites affaires dans la chronique autour du net d'ici la fin de l'émission. Mais pour l'instant, voici une superbe, superbe pièce de notre groupe préféré Jacques Maure. Et je vais en choisir une autre que celle qui est dans le palmarès, juste pour faire changement. Voici Cœur saignant à la connexion à CFU 89.1 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. Chuchoter, oui, tu vas faire de moi un handicapé. Et si un jour ma langue venait à se délier, je persisterai à le chanter. Jacques Maure avec la pièce Cœur saignant de leur album D'Anglais. C'est un hippie, j'ai hâte d'avoir un album complet de Jacques Maure. Maintenant, c'est l'heure de parler de technologie avec le fil technologique. Sortez un peu des sentiers battus, dit l'article de jeuxexpress.com, surtout que cette nouvelle touche directement Sony et la PlayStation 3. Alors que plusieurs observateurs croyaient que la guerre entre le HD DVD et le Blu-ray allait se terminer d'ici la fin de l'année en faveur du format de Sony, le Blu-ray, Paramount vient à tout le monde de retarder sa victoire en annonçant qu'elle supportera exclusivement le format de Toshiba, le HD DVD. Avant aujourd'hui, le studio était neutre et supportait les deux formats. C'est donc dire que la plupart des films de DreamWorks Animation SKG, DreamWorks Pictures, Paramount Vintage, Nickelodeon Movies et MTV Films vont maintenant sortir exclusivement en HD DVD et DVD, évidemment. Il y a quelques exceptions, notamment les films de Steven Spielberg. Le premier film de Paramount qui va être exclusif à HD DVD va être Blades of Glory, qui sera disponible la semaine prochaine. Deux gros blockbusters suivront d'ici la fin de l'année, soit Transformers et Shrek the Third. Ainsi, alors que le camp Blu-ray peut compter sur les films exclusifs de Sony, Fox et Disney, le camp HD DVD est maintenant bien équipé pour la guerre avec Paramount qui s'ajoute à Universal. Est-ce que Warner Brothers choisira aussi un camp bientôt? C'est ce qu'on va voir. Ça affecte la PlayStation 3 évidemment parce que la PlayStation 3 lit les HD, les Blu-ray. Voilà. Les Blu-ray, c'est bien ça. C'est le 25e anniversaire du CD. Un quart de siècle après son invention par Philips et Sony, le Compact Disc est dépassé par la dématérialisation de la musique. Combien de temps va-t-il encore résister, demande l'article de 01.net.com. Inventé il y a 25 ans par Philips et Sony, le CD avec ses 74 minutes de musique apparaît aujourd'hui bien désuet quand les baladeurs nous offrent plusieurs dizaines d'heures d'enregistrement confrontés à la dématérialisation de la musique, le support apparaît condamné. Pourtant, tout avait bien commencé il y a près d'un quart de siècle. En 1979, Philips et Sony s'entendent pour mettre au point la lecture laser. Les deux fabricants vont se mettre d'accord pour fixer ensemble les caractéristiques de ce nouveau média enfin numérique. Un diamètre de 12 cm et une durée d'écoute de 74 minutes. Pourquoi? Vous savez peut-être, c'est pour faire tenir la 9e symphonie de Beethoven sur un seul album. C'est la raison qu'un album dure 74 minutes. C'est vraiment intéressant. Le 17 août en 82, il y a tout juste 25 ans, ça fait quelques jours de cela, mais quand même, le premier compact disque sort des usines de Philips en Allemagne, mais sa commercialisation ne se fera véritablement qu'en 1983, avec un catalogue de 1000 titres. Quelques années plus tard, les consommateurs l'adoptent massivement au détriment des disques vinyles. Au total, plus de 200 milliards d'exemplaires se seraient vendus à travers le monde. Au milieu des années 90, le CD prend un coup de vieux avec la sortie du DVD, capable de stocker un film entier avec une excellente qualité, avec ses versions enregistrables. Le CDR et le CDRW, il reste cependant un support de choix pour l'enregistrement personnel. Il faut dire que les utilisateurs ont découvert le format MP3 et la facilité de copier les disques commerciaux à partir de leur ordinateur. C'est l'arrivée du partage de fichiers, la musique illimitée, qui met à mal le CD. Ce dernier reste tout de même l'un des plus beaux succès de l'industrie électronique, et ce ne sont pas les partisans du Blu-ray et du HD-DVD empêtrés dans une guerre de succession qui diront le contraire. L'article vient encore une fois de 01net.com. Commercialisé depuis le 29 juin dernier aux États-Unis, le iPhone d'Apple pourra bientôt rencontrer un nouveau public moins fortuné. Et oui, c'est vous ça, c'est vous. En effet, en attendant une baisse éventuelle du prix de vente du premier baladeur communicant de la marque, Apple met à jour son offre de terminaux reconditionnés, des iPhone refurbished. Après les iPod ou les Mac, c'est donc au tour de l'iPhone de faire partie de cette offre. Ainsi, les iPhones qui ont été acquis par un premier mobilote, comme on appelle les gens qui sont sur l'ago, mais qui ont finalement été rendus pour des raisons financières ou d'utilité, connaîtront une seconde vie. Et après avoir été testés et certifiés, les Américains vont pouvoir désormais acquérir en ligne les deux iPhones reconditionnés, moyennant une baisse de son prix de 100$. Les iPhones de 4G et de 8G, c'est les deux modèles dont on parle, reconditionnés, passent donc respectivement de 500 à 400$ et de 600 à 500. À noter qu'Apple livre gratuitement ses nouveaux iPhones, nouveaux entre guillemets, et qu'une garantie d'un an leur est appliquée. Voilà qui fait le tour du fil technologique. Regardons un petit peu les jeux qui sont les plus cherchés sur GameFAQs.com, qui est un site de triche. Sur quel jeu est-ce que les gens trichent? Alors, on retrouve en 5e position Rune Factory sur la DS. En 4e, c'est un autre jeu de DS, Pokémon Pearl. En 3e, c'est Persona 3 sur la PlayStation 2. En 2e, c'est Final Fantasy 12 sur la PlayStation 2. Et en première, c'est Pokémon Diamond sur la DS. Top and blow off the jets, unscrew the filter, make sure it's wet. Pull off the cables and check for corrosion. Put out that smoke, don't need no explosion. Fire on order, starts near as a palm. Let's breathe some life in this pile of gum. She's a long walk home and the air is heavy. Wanna see my arm hanging out of that Chevy. Got dust clouds off the back of her brain. Texan bags all racked with pain. Small town banks and the wrong man playing. I can't remember last time it rained. Dipstick fall out of freeze. Climb underneath, she's a bit of a squeeze. It ain't the bells, well, they scream louder. Back in the block, check the wire to start her. Jack goes in a notch by the blade. Kicking that block, don't seal my fate. Take a long pull off a bottle of Bud. Down along these knuckles covered in blood. I got dust clouds off the back of my brain. Necks and backs all wrapped with pain. Small town banks and the wrong man playing. I can't remember last time it rained. One, two, three, four. Burn to the arm on the manifold. Duct tape and scissors and a brand new fold. A five grip same and a wire. Always make it home on a rim and a tire. She fires life all. Sweat strap thing. Top of that rusty old kitchen knife. Got pulled out. Heat in the ditch. Slap me on the wheel. Call me son of a bitch. I got dust clouds off the back of my brain. Necks and backs all racked with pain. Slow down banks and the wrong man playing. I can't remember last time it rained. Names come out in the press. Who's in the wiser in the wrong guess? I'm a first hand gone man. What a story told by a friend of Ted Helps and Jim Lobby. United Steelworkers of Montreal avec une pièce qui s'appelle Small Town Banks. Maintenant, c'est l'heure de faire le tour du monde des choses stupides qui se sont passées cette semaine. C'est la chronique Le Plancher. Commençons par la compagnie de pizza Domino's qui a mis en place un projet pilote de commande par messagerie texte. L'entreprise a choisi le Royaume-Uni pour tester son nouveau système. Pour éviter les mauvaises blagues, évidemment, Domino's a mis en place quelques mesures de vérification. D'abord, vous allez devoir vous inscrire sur le site en indiquant vos coordonnées, adresse et numéro de téléphone. Ensuite, vous allez devoir envoyer par messagerie texte une liste de vos pizzas préférées. Grâce à cette liste-là, vous allez pouvoir ensuite commander une pizza pepperoni fromage de 14 pouces, par exemple en envoyant le message texte « Pep from » ou toute autre pizza qui est associée à un autre code dans votre liste. La paresse, incroyable. Même la paresse, c'est quasiment plus de job faire ça que de téléphoner. Le processus de commande se fait en trois étapes. Vous envoyez d'abord un message texte avec le nom code de la pizza voulue. Le système de commande vous répond avec une demande de confirmation de votre choix. Vous avez un paquet de confirmations. Plus de 2000 personnes se sont déjà inscrites au nouveau service, même si certains vont décrier ce nouveau service, un peu comme je viens de le faire, qui encourage la consommation de malbouffe. Il s'agit d'une technologie intéressante qui pourrait être reprise par d'autres organismes qui l'utiliseront à des fins plus nobles, dit l'article de Branchez-vous Technologie. Un jeune couple chinois a récemment demandé aux autorités gouvernementales du pays asiatique de pouvoir nommer leur enfant à commercial. La nouvelle a fait le tour du monde. C'est peut-être pas la première fois que vous en entendez parler. Vous avez peut-être même un petit peu marre de cette nouvelle-là. Les parents ont affirmé que ce nom, qui est le symbole utilisé dans les courriels, évidemment, signifie, c'est bien qu'ils le précisent dans l'article, leur amour pour le bambin, car l'arrobas se prononce « at » en anglais, ce qui s'apparente à « aita » en chinois, qui veut dire « je t'aime ». C'est beau. La requête du couple était donnée en exemple jeudi par Li Yuming, le directeur de la Commission nationale chinoise sur la langue, qui exprimait la difficulté de son gouvernement à gérer la demande pour des noms originaux. Selon lui, les parents du bébé font partie des 13% de Chinois qui tentent de trouver un nom plus original à leur enfant, alors que la majorité, 87% des citoyens du pays asiatique, optent généralement pour un nom parmi une liste de 129 noms communs. Li Yuming a expliqué que le gouvernement tente de minimiser le nombre de noms originaux car la complexité des caractères chinois fait en sorte qu'il est parfois difficile de les inscrire sur les claviers d'ordinateur. Par exemple, le nom de l'ancien premier ministre Zhu Rongji causait bien des problèmes aux journalistes chinois puisque le caractère « rong » était très difficile à obtenir sur un clavier. Évidemment, les parents de « at » ou « a commercial » n'auront pas à s'inquiéter de la difficulté d'écrire le nom de leur enfant sur un clavier d'ordinateur parce que c'est la touche juste là, là. Le directeur de la Commission nationale chinoise sur la langue n'a cependant pas confirmé aux médias si « a commercial » avait été accepté par la police chinoise parce que c'est elle qui gère l'attribution des noms et des cartes d'identité dans le pays. Et on termine avec une nouvelle de Londres. Une cliente est restée suspendue à son téléphone un total de 20 heures sans parvenir à joindre le service client du fournisseur de téléphonie britannique BT, selon le Times. Anna King, âgée de 51 ans, a voulu joindre BT quand un technicien qui devait venir lui installer une ligne téléphonique dans son nouvel appartement de Milford Haven a manqué son rendez-vous. Elle est d'abord restée en ligne 8 heures consécutives à écouter une musique d'ambiance avant d'abandonner. Madame King a patienté à nouveau 8 heures le lendemain au téléphone sans succès. Le jour suivant, après 4 heures d'attente à bout, elle a raccroché. Après un total de 20 heures d'attente, elle a dit « J'étais si énervée que je me suis mise à pleurer ». Hein? C'est un service client, bon Dieu, et une compagnie comme BT devrait quand même être capable de répondre au téléphone. Fin de la citation. Un porte-parole de BT joint a expliqué que la mise en place d'un nouveau système de centre d'appel avait pu occasionner des problèmes à certains clients, et je cite cet homme. Nous nous excusons sincèrement pour tous les problèmes temporaires qu'ont pu rencontrer les clients et travaillons sans interruption pour améliorer cette situation. Donc si vous trouvez qu'attendre 45 minutes chez Bell, c'est un petit peu long des fois, ben peut-être que vous devriez raccrocher à la place d'attendre 20 heures. Juste de même, mais bon, je suis pas sûr. Pas sûr de ce que je pense de ça. Il me semble que c'est un petit peu long. Pour rien. Au pire, rappel plus tard. Voilà qui fait le tour pour la chronique des gens stupides qui font des choses stupides. Cette semaine, on commence une nouvelle série en concert. Oui, c'est enfin l'heure de retourner à notre bonne vieille série en concert, c'est-à-dire qu'on prend une série, une collection musicale, et on l'étale à travers chaque semaine d'une session. On commence un petit peu plus tôt que la session, des fois, mais c'est pas grave. Jusqu'à maintenant, on a fait Donkey Kong, on a fait Mario, on a fait Zelda, on a fait une série symphonique, on a fait Doom. On a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un paquet de séries, même une sur Kirby, une sur Sonic. Après 3 ans et demi, 4 ans d'émission, disons qu'on a fait beaucoup de séries en concert. Et cette fois-ci, on commence la série Nintendo Pella. Oui, Nintendo Pella, pourquoi? Parce que c'est de la musique a cappella de Nintendo. Hein? C'est pas génial. Les membres de cette formation, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membres qui font de la cappella comme ça. Vous pouvez retrouver leur MP3 sur le nintendopella.com. Il y a aussi les paroles de certaines chansons, Tetris et My Name is Kyle. Hein? Il y a aussi un forum pour discuter là-dessus. Il y a des liens vers d'autres sites qui ont un petit peu rapport. Par exemple, MySpace de Nintendo Pella. Et un film qui n'a pas rapport vraiment, mais c'est un film de rap de Tetris. Tout ça, il y a des photos du band sur le www.nintendopella.com. On commence par les trois premières parties de cette série back-to-back. On va entendre Matt avec Chrono Trigger, Kyle avec Crushman et Matt avec Dr. Mario. En fait, c'est les personnes qui ont arrangé ces pièces. Tout de suite, Nintendo Pella à la connexion à CFOU 89.1 FM. No. Record it so I can hear what I'm gonna do. Crush Man. Crushman. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Watchmen. Watchmen. It's true. Like, I mean, Matt arranged it, and I did go over it with him at one point, and it didn't bother me then, and now it is. So I'm not, like, trying to avoid the fact that like, I'm changing positions and waffling a bit. .com Au retour à la connexion, on parle d'Ottawa qui investit 100 000 $ dans la lutte au cybercrime. C'est le Bloc Cybercrime à la connexion à CFOU 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Bottom. Bottom. Bottom. Bon retour, c'est la dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans quelques secondes, c'est le Bloc Cybercrime. On va parler, entre autres, de Supernova qui rouvre enfin ses portes sur BitTorrent et le propriétaire de Hall of MP3 qui est acquitté. Tout ça et vos nouveautés en magasin plus tard. À la connexion. À CFOU 89 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. En direct le jeudi à midi. Rediffusion mardi à midi. Hurry up and get your pay. A 2-day vacation, Friday, Saturday. Down deep in the basement, shower up in the sink. Throw on some lipstick and look pretty in pink. Short skirts in the cold, to the club, all the night is waiting. Shaking on the dance floor. This is the The Beat à la connexion à CFO 89 FM. Maintenant, c'est l'heure de Cybercrime. Quelques nouvelles qui ont marqué le monde de la cybercriminalité cette semaine. On commence par Ottawa. Le gouvernement fédéral va investir 100 000 $ dans une étude sur l'éventuelle construction d'un centre international de lutte contre la cybercriminalité. Le ministre de la Sécurité publique, Stockwell Day, a indiqué à Calgary que l'étude examinerait la croissance des activités criminelles sur Internet. Cette étude se penchera aussi sur l'endroit où un tel centre devrait être construit et elle cherchera à identifier les moyens de réduire l'écart existant sur le cyberespace entre les forces de l'ordre et les criminels et terroristes recherchés. Selon les plans actuels, le centre Cyberpol, il est appelé Cyberpol, sera construit dans une importante université canadienne très informatisée. L'université de Calgary va fournir 200 000 $ pour compléter l'étude de faisabilité de 9 mois parrainée par l'Association canadienne des commissions de police. Ian Wilms, le président de l'association a indiqué que le centre pourrait être construit en 4 ans et qu'il pourrait attirer des gens, des agents de la paix de partout dans le monde. Voilà, le Canada. Ça, c'est un article de Canway.com sur infodunet.com maintenant. Nouveau coup dur pour les majors de l'industrie du disque et du cinéma qui ont ce genre de site en horreur. Le site Supernova sans le E.org, disparu depuis quelques années déjà, a rouvert cette semaine ses portes sous l'égide du célèbre site The Pirate Bay, qui en a pris le contrôle de PowerBay.org encore une fois. Sobre en tout point, Supernova n'est ouvert que depuis peu de temps et se voit déjà rempli de fichiers en tout genre à la légalité peu évidente. Connu il y a 2 à 3 ans comme le site de partage de fichiers le plus populaire pour BitTorrent, Supernova est donc aujourd'hui de retour. C'est le site de Pirate Bay, déjà connu pour son service de fichiers BitTorrent, qui va s'occuper de la maintenance de ce site et sera son responsable juridique. Les responsables en profitent donc pour lancer dans le même temps un nouveau forum Superbay, sans le E encore une fois, qui regroupera Supernova et The Pirate Bay. C'est comme ça que les choses fonctionnent, disent-ils. Quoi que vous puissiez couler, nous le reconstruirons. Qui que vous puissiez poursuivre, 10 nouveaux pirates prendront sa place. Où que vous alliez, nous y serons avant vous. Vous êtes le passé et l'oubli, nous sommes l'Internet et le futur. Tel est le message fortement cynique envoyé par les administrateurs du site aux entreprises qui n'aiment pas Internet. Même si on essaie de les tuer, c'est comme un extraterrestre quelconque. Ça ne peut pas mourir. C'est BitTorrent. C'est là pour survivre le très, très, très longtemps, je crois. Toujours dans notre bloc Cybercrime, le monde des nouvelles cybercriminalistiques. Le propriétaire du site russe de vente de musique en ligne All of MP3 vient d'être acquitté par un tribunal de Moscou. Denis Kovasov, qui dirigeait la firme derrière All of MP3 Media Services, était accusé de vendre à un prix dérisoire les chansons et les albums de musiciens occidentaux ne respectant pas leurs droits d'auteur. All of MP3.com, qui est maintenant fermé, vendait les chansons au prix de 30 cents l'unité et des albums complets pour 2 $, alors qu'une chanson sur iTunes de Apple coûte en moyenne 1 $ et l'album 10. Le juge du tribunal de Moscou a déclaré que la police n'avait pas réussi à amasser suffisamment de preuves contre l'homme d'affaires russe pour justifier un verdict de culpabilité. Les maisons de disques EMI, Universal et Warner repartent donc bredouilles de ce procès qu'elles intentaient contre Kvasov. Chaque maison de disques lui réclamait 5 millions de roubles, environ 200 000 $ en dédommagement. Dans une entrevue accordée au webzine newtimes.ru et reportée par l'agence France Presse, le directeur de l'association russe anti-piratage, le RAPO, Konstantin Zemtenkov, a dénoncé la décision du tribunal comme étant un très mauvais précédent. Le piratage de musique en Russie est d'ailleurs l'un des principaux obstacles à l'adhésion du pays à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Voilà qui fait le tour pour notre bloc Cybercrime, les nouvelles du cybercrime sur Internet. Regardons un petit peu sur GameSpot.com, Most Wanted, parlant de choses recherchées, c'est comme des criminels recherchés. Hein? Voici les jeux les plus recherchés présentement sur GameSpot.com qui sont disponibles en ce moment, c'est-à-dire des jeux qui sont en magasin déjà. En 5e position, c'est Grand Theft Auto San Andreas avec 9.6 de Rockstar Games sur PlayStation 2. En 4e, c'est un jeu de Red Octane sur PlayStation 2 qui s'appelle Guitar Hero 2, c'est à 8.7 de score. En 3e, Two Worlds de South Peak Interactive sur Xbox 360. En fait, c'est sorti. Ça sort aujourd'hui. Donc voilà, c'est très très bon. Ça sort aujourd'hui. En 2e, Bioshock de 2K Games sur 360. Ça a un score de 9.0. Et le jeu, présentement, le plus populaire disponible en ce moment, c'est Bioshock de 2K Games sur le PC avec un score de 9.0. Screw kid, I got nothing to say. Quit bugging me, go away. High time you realize I didn't come here to socialize. I'm sick, sick of this American life. And I've learned the value of human sacrifice. I like staring at two glass eyes. Keep them stuffed, museum style. Got alarms set all around in case they move around. I'm sick, sick of this America. And I've learned about you and human sacrifice. They might be giants avec I'm sick of this American life. Maintenant, go go gadget! On parle de gadget avec, pour commencer, un t-shirt qui répond au message texte. Hein, c'est selon le blog gadget de branchez-vous.com. Rêvez-vous d'être comme Steve Jobs, à la fois un geek notoire et un virtuose de l'autopromotion. Voici un gadget qui vous fera baver d'envie, un t-shirt auquel on peut envoyer des messages textes et qui répond. Enfin, et presque. Hein, l'exagération fait partie intégrante du marketing après tout. Le React-T est un t-shirt personnalisé qui affiche un slogan et un mot à envoyer par message texte au 41411, toujours le même. Vous décidez du slogan et du code à envoyer. La compagnie imprime et livre votre t-shirt et vous n'avez plus qu'à vous promener partout avec votre création sur le dos pour attiser les conversations virtuelles. Ceux qui contactent votre chandail, entre guillemets, reçoivent un message de votre choix par retour automatique, peut-être l'adresse de votre boutique New Age, votre CV, ou simplement merci si votre t-shirt demandait qu'on lui écrive si l'on vous trouvait extraordinairement sexy. Et bien sûr, le système affiche les numéros de téléphone de ceux qui vous écrivent sur votre propre cellulaire pour que vous puissiez les retracer. Alors pensez-y deux fois avant d'écrire à un t-shirt qui affiche « Appelez-moi si vous êtes un pervers ». Voilà l'article de branchez-vous.com. Ça coûte environ 20$ ou en fait, ça commence à 20$, oui, sur reacti.com, react, R-E-A-C-T-E-E.com. C'est un beau petit jeu de mots. On continue avec, une friteuse qui fonctionne avec une seule cuillerée à table d'huile. Donc, c'est le Tefal ActiFry qui est la dernière technologie de friture. Donc, en utilisant des ventilateurs et du mouvement, il recouvre environ 4 patates coupées en frites avec seulement une cuillerée à table d'huile qui ensuite recircule à travers la machine en utilisant un moteur et de la chaleur. Quand tout ça est fait, ça va avoir créé des frites style maison avec moins de gras, environ 3% du gras des frites normales, donc ça a l'air vraiment délicieux. Tout ça par contre vient avec un très très grand prix. Le ActiFry vient au prix suggéré exorbitant de 302$. C'est disponible en Europe en ce moment. Il y a aussi une vidéo promotionnelle que j'ai postée sur lunechance.com, www.lunechance.com. L'article s'appelle ActiFry Fries with a Tablespoon of Oil. Allez voir sur lunechance.com. Ensuite, prochain gadget sur le site que vous pouvez aller voir, c'est une roche qui sert de lecteur USB. Donc voilà, on pourrait parler de nouveaux gadgets USB à chaque jour, c'est pas ce qu'on fait déjà à chaque semaine, jusqu'à la mort de l'Internet, c'est ce qu'on pourrait faire. Mais donc, la Mass Storage Stone, qui est peut-être pas la meilleure idée au monde, dit l'article de Ogizmo.com, mais quand même, elle est plutôt attirante si on la regarde. Donc c'est une pierre, en fait c'est une texture, c'est un petit peu froid au toucher, et plutôt durable, on peut l'imaginer. Le mauvais côté par contre, c'est qu'on doit utiliser un câble pour y accéder, parce que c'est pas une prise USB qu'il y a dessus, c'est vraiment un trou pour brancher un fil USB. Voilà. Et puis, il n'y a pas de LED. Il n'y a pas de petite lumière non plus. On se dirait que non, en tout cas. On pourrait des fois la prendre pour une roche, dit l'article, et peut-être la jeter dans le lac sans faire exprès. Mais quand même, c'est un beau petit gadget et ça fait parler les gens. C'est le USB Storage Rock. Allez voir la photo. L'autre, c'est pas nécessairement un gadget, c'est plus une photo. C'est sur Flickr, c'est bien ça? Je crois que c'est sur Flickr. Non, c'est bon. Oui, non, c'est via Dig. Voilà, dig.com. Qui montre, dans le fond, c'est une touche Escape qui essaie de s'échapper. Parce que, bon, Escape, ça veut dire échappe. Hein, bon. Échappatoire, échappement. Donc, on la voit avec des pattes. C'est très, très cool. Allez voir la photo. Ça s'appelle This is Cool. Je crois que je l'ai peut-être nommé This is Cool comme l'article. Donc, allez voir dans la section Gogo Gadget du unechance.com. Le prochain gadget, c'est un casque de vélo pliable. Hein, parce qu'on sait que c'est important de porter un casque à vélo. Hein, que vous soyez sur une rue rempli ou rempli d'auto ou encore dans un boisé. Donc, c'est le Stash Kit, un casque pour vélo qui peut en fait être plié lorsqu'on ne l'utilise pas, environ 40% de son volume lorsqu'il est plié, qu'un casque normal, en fond. Aussi, lorsqu'il est plié, ça lui donne une forme de croissant, ce qui veut dire que c'est facile de le mettre dans un sac à dos ou même une valise. Voilà, c'est ce que le marketing de la chose dit. Ça coûte environ 90$ si vous habitez, je crois que c'est au Royaume-Uni, mais vous pouvez le trouver sur Chain Reaction Cycles. C'est via Stash Kit, via Treehugger, via ogizmo.com. Allez voir, c'est génial. Tiens, une alarme pour votre posture, un autre gadget qui vient du Japon, qui vient, l'article dit que ça vient pas avec beaucoup d'explications quand on lit ça. En fait, du coup, c'est un appareil qu'on porte autour du cou qui est fait pour vous vous empêcher de vous prendre une mauvaise posture, voilà, lorsque vous êtes assis à l'ordinateur ou n'importe quand. N'importe quel endroit, vous n'êtes pas gêné de porter cet appareil rouge affreux, dit l'article. Donc, j'imagine qu'il y a un gyro, quelque chose à l'intérieur qui vous permet qui permet à l'appareil de savoir si vous êtes bien placé. Il y a un affichage LCD qui vous montre qui montre l'heure, voilà, et qui vous permet de paramétrer d'autres alarmes. Donc, c'est à peu près ça. Ça vaut 8,43$ sur Deal Extreme. C'est bien moins cher que la plupart des chaises ergonomiques. C'est ce que ça dit ici, les chaises ergonomiques qui vous forcent à bien vous asseoir. Donc, je trouve que l'idée est bonne. Je suis pas sûr si je l'utiliserai moi-même. Prochain gadget, c'est la Katazuku, la Tidy Table, qui est une table qui se nettoie elle-même. Voilà. Elle utilise deux tapis roulants qui vont dans des directions opposées pour nettoyer la table à chaque... pas mal tout le temps, dans le fond. Hein? Le seul inconvénient, dit l'article de Ogizmo, c'est que, en fait, du coup, ça va être le plancher qui va être sale parce que tout ce qui se ramasse sur le tapis roulant va tomber par terre. Peut-être que vous pourriez mettre un panier, quelque chose du genre. Donc, voici ce Tidy Table. Si vous voulez voir les photos, une vidéo même et quelques explications de comment ça fonctionne, c'est la Katazukui de Tidy Table. C'est l'article sur le unechance.com. Et le dernier, tiens. Ça dit ici que si les effets sonores standards de votre PC lorsque vous connectez un appareil USB, le petit bing bong et bing bong bing bing, sont pas si excitants pour vous, alors peut-être que ce hub USB serait une amélioration pour votre humeur. Donc le Cube Collection Engine Hub est un hub à trois ports USB, et aussitôt qu'un appareil est connecté, il va jouer un vrai effet sonore de moteur, hein, il va partir. C'est un moteur en train d'être démarré. Donc, malheureusement, dit l'article, c'est là que le réalisme arrête parce qu'on peut pas vraiment contrôler rien ou ajouter rien ou rien faire de plus que seulement entendre ce son-là. Et ça améliore pas vos vitesses de USB non plus de transfert. Donc, le Engine USB Hub fonctionne sur Windows XP et sur OS X et est présentement disponible sur Audio Cubes pour $55. L'article est sur lechance.com. Comme toujours, si ça vous tente, vous allez acheter au moins voir quelques-uns de ces articles parce que je crois pas qu'il y ait grand monde qui achète des gadgets comme ceux-là. C'est plus pour en parler. Ou au moins peut-être un par personne dans le monde. Je sais pas, ça pourrait être pas pire d'avoir chacun son propre gadget pour que les gens puissent tous parler. On aurait tous quelque chose à dire si chacun avait un gadget spécial. C'est pas mal le but de la chose. Bref, je fais le tour pour la chronique Gogo Gadget. Regardons un petit peu ce qui se retrouve comme nouveauté en magasin cette semaine. Selon rgamers.com, la semaine est marquée par le saut du multiplateforme avec la très attendue sortie de BioShock. C'est la première sortie sur PlayStation, sur PC et sur Xbox 360 seulement, ces deux consoles-là. PC n'étant pas une console, mais quand même. Ensuite, Real World Golf 2007 sur le PC et la PlayStation 3. Two Worlds sur le PC et la Xbox 360. Brunswick Pro Bowling sur la PlayStation 2, la PSP et la Wii. Et finalement, Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 sur la PlayStation 3 et sur la PSP. Ça, c'est pour les jeux qui sont multiplateformes. Sur DS, on retrouve Brain Age 2, More Training in Minutes a Day, The Settlers, I Spy Funhouse et Turn It Around. Ça fait 4 jeux. Sur PC, Panzer Killer, Combat... ça, c'est Panzer Killer, c'est le premier. Combat Mission Shock Force, Destination Treasure Island et Riders World Competition. Ça fait 4 autres. Sur PlayStation 2, Metropolis Mania 2. Sur PSP, Jeanne d'Arc et Dragoneers Aria. Et sur la Nintendo Wii, c'est Dave Mira BMX Challenge. Voilà. Sur la Virtual Console, le jeu Super Metroid, oui, est enfin sorti. Question de préparer le terrain en vue de la sortie de Metroid Prime 3 Corruption, l'une des meilleures aventures de Seamus Aaron selon ArtGamer.com, est désormais disponible pour 800 points Wii. Les amateurs d'aventures de Ninja vont pouvoir aussi se rabattre sur Shinobi 3 Return of the Ninja Master de Sega, tandis que ceux désirant s'aventurer dans un monde fantastique afin de délivrer une princesse dans une ambiance de jeu de rôle pourront se plonger dans l'univers de Newtopia. Donc, bon moment de nostalgie d'ici, là. Tandis que sur la Xbox Live Arcade, il y a Space Giraffe, un jeu de tir psychédélique proposant une ambiance visuelle unique à travers une centaine de niveaux. Il y a aussi Street Trace New York City, un jeu de course et de combat prenant place dans une ambiance futuriste où la société est contrôlée par un gouvernement corrompu. Voilà les nouveautés en magasin cette semaine. Il nous reste à peine une douzaine de minutes pour regarder ce qui s'est passé autour du net dans quelques instants à la collection Assez Fou 89.1 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. Maintenant, voici une petite pièce que j'ai redécouverte ce matin. Coquilly avec leur album Savons chanter, la pièce Francubilique. Les auditeurs du jeudi matin, assez fous, viennent d'entendre cette pièce il y a quelques heures. Ça m'a un petit peu remis dans le bain parce que cette pièce-là, quand je l'ai entendue la première fois jouer assez fou, elle m'a vraiment marqué. Je la trouve vraiment spéciale, très intéressante, mais je suis sûr que ça gosse beaucoup, beaucoup de monde, donc je ne laisserai pas terminer. Elle est quand même dure environ 7-8 minutes. Ça s'appelle Francubilique, la pièce de la formation Echo Kitty. Leur album, c'est Savons chanter, si ça vous intéresse de vous procurer ça. Voilà donc pour Echo Kitty. Maintenant, c'est l'heure de terminer l'émission en beauté avec la chronique Autour du net. Notre petit tour autour du monde de l'Internet, notre tour, comment on pourrait dire, de l'autoroute de l'information à haute vitesse. Hein? Quelques petits jeux rapidement là, que j'ai trouvé cette semaine. Platypus. J'ai joué à ce jeu-là il y a quelques semaines. C'est absolument génial. En fait, c'est un jeu très, très de base. C'est vraiment, il n'y a rien de fla-fla là-dedans. Sauf qu'on dirait que c'est fait en pâte à modeler. Donc, tu contrôles un vaisseau, d'avion ou aéronef, je ne sais pas trop quoi. Tu tires différentes affaires, par exemple des petites fusées. Tu peux tirer un paquet de trucs comme ça et tu peux ramasser des power-ups pour avoir de meilleures armes pour détruire les objets qui s'en viennent devant toi. Dans le fond, tu as un petit vaisseau qui va de la gauche à la droite. Très, très rapidement à différents niveaux. Les décors sont super beaux. Les animations sont très bien faites, comme je dis, en pâte à modeler. Le look est très, très réaliste. On dirait que tu joues avec de vrais jouets, je trouve, en tout cas. Moi, j'ai trouvé les graphiques très beaux. Hein? Donc, Platypus, c'est un jeu à télécharger. C'est sur lunchance.com que c'est placé. J'ai aussi passé quelques autres jeux rapidement. Timebot, un jeu de puzzle action où tu dois faire passer un petit bonhomme sur différents petits robots, sur différents étages pour... en appuyant sur des boutons, en ouvrant des portes, en collectant des armes, etc. Ça s'appelle Timebot. Il y a A Good Hunch qui joue le rôle de Harvey et Tina, qui sont deux genres de moutons, chèvres, qui essaient de se rendre à la sortie d'un tableau. Mais à chaque fois que tu... en fait, tu peux seulement contrôler un personnage à la fois. Après que le premier est arrivé au but, l'autre va répéter les mouvements que l'autre a fait. C'est très intéressant. A Good Hunch. L'autre, c'est Adventure of Cat, où tu guides un chat gris, jusqu'à la fin d'un tableau. Mais ton seul mode de transport, c'est un bâton pour sauter. Très spécial. Et Badabang, un jeu très, très simple de clic, drag et lâcher la balle pour la faire rebondir sur un trampoline. Voilà. Ça fait le tour pour ça. Les jeux les plus loués au Japon, on va faire tout ça très, très rapidement. Il nous reste à peine 2 minutes. Les jeux les plus vendus au Japon, en deuxième place, c'est Mario Party 8 sur la Wii. Et en première, c'est SD Gundam G Generation Cross Drive sur la DS. Tandis que les consoles, c'est la Wii en deuxième et la Nintendo DS Lite toujours en première. Quelques petits trucs intéressants que j'ai trouvé. Une nouvelle technologie qui permet de recibler des photos. À la place de, par exemple, sur un téléphone cellulaire, un smartphone ou un portable, n'importe quoi, à la place de redimensionner une photo pour la rapetisser, la photo peut elle-même intelligemment se cropper, se rogner pour prendre seulement un bout de la photo ou encore éliminer d'autres éléments ou les rapetisser pour faire que la photo soit plus réaliste et plus belle en petit. Le vidéo est très, très impressionnant. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais je crois que l'idée est très, très bonne à la base et pourrait se produire quelques bonnes affaires avec ça. Une vidéo de danse robot, le Robot Dance Video. Allez voir sur lunchance.com, ça vient de budjunkie.com. J'ai passé des instructions pour faire un calendrier à 12 côtés. Je trouve ça génial. Ça fait un petit peu loser, un petit peu nerd. J'aime ça pareil. L'autre, tu sais, un divan. Un divan fait de tapis de souris. Vous pouvez voir plusieurs photos de ça. Il y a aussi un divan fait de Mac, un divan fait de canne de liqueur. Divers fait de boîtes de FedEx. Allez voir unechance.com. Ça vient du site Cybernet. Ensuite, une photo sur Flickr. Cliquez sur le deuxième lien dans l'article. C'est une raison de ne pas utiliser une table de vitre pour votre ordinateur, hein, parce que la vitre a complètement cassé. Plus rapidement, article 11 étapes pour acheter un nom de domaine qui n'est pas complètement nul. Le site BuzzFeed.com qui vous renseigne sur le nouveau blog. Il y a un site qui s'appelle Prise de tête qui a l'air vraiment bien. Une façon de contrôler votre le bureau. Contrôler un gars au bureau avec des appareils USB. C'est pas en temps réel, mais je trouvais ça vraiment cool aussi. Une vidéo qui s'appelle Super Mario RPG Forest Maze Song. Il y a aussi une planche pour la Wii qui a été faite à la main. Un pianiste qui recrée la trame sonore de Majora's Mask au complet. Une vidéo de Mario & Sonic aux Olympiques, le jeu que tout le monde attend, ça a l'air vraiment génial. La quatrième partie de Metroid Retrospective dont j'ai parlé la semaine dernière. Un jeu de Mario qui se joue tout seul. Allez voir la vidéo qui s'appelle The Game is Masturbating. C'est Mario qui se joue tout seul. Ça a l'air vraiment génial, c'est comme une affaire de physique. Voilà, et puis ça fait à peu près le tour. Je pense que c'est assez. Hein? Voilà qui termine la connexion pour cette semaine, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Comme toujours, allez voir les liens et la balado diffusion sur le www.unechance.com. Moi, je vous retrouve à La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Ça, c'est les vendredis matin à 10h et les samedis et mardis en rediffusion à 14h. Dans les Palmarès C'est Fou aussi, je vous retrouve pour la meilleure musique de C'est Fou les vendredis soirs à 17h, en rediffusion les jeudis à 14h. La connexion est en direct le jeudi à midi et en rediffusion les samedis et mardis de midi à 14h. Encore une fois, le unechance.com pour la balado diffusion et les notes de l'émission de cette semaine. De la part de toute l'équipe fictive de La Connexion, mon nom est Mathieu Plante, en train de vous dire au revoir, au revoir. Dash.com